Je suis l'amour sorcier. Gé, gé, gé. Ma tête est oiseau. Gé, gé, gé. Je suis l'amour sorcier. Gé, gé, gé. Mon corps est taureau. Gé, gé, gé. Suis fait moitié, moitié. De peau. Gé, gé, gé. La terre c'est mes souliers. Gé, gé, gé. Le ciel mon chapeau. Gé, gé, gé. Mesdames et messieurs. Gé, gé, gé. Venez mes agneaux. Mon sorcier, gé, gé, gé, j'ai ce qu'il vous faut, gé, gé, gé, pour vous désaltérer, gé, gé, gé, me ferez ruisseau, gé, gé, gé, et je m'enflammerai. Je suis l'amour sorcier. Gé, gé, gé. Ma tête est oiseau. Gé, gé, gé. Je suis l'amour sorcier. Gé, gé, gé. Mon corps est taureau. Venez à moi. Venez par milliers. La terre et le ciel, on va les marier. Mais je vous fais peur et vous préférez. Lancez vos sagues, lancez vos sagues. Gé, gé, gé, j'ai un moral d'acier. Gé, gé, gé, je vous guérirai. Gé, gé, gé, mesdames et messieurs. L'amour, c'est pas sorcier. Oh! Oh, oh! Oh!